sont dans la gare. Que ce soit en Twingo ou en Ferrari, pour s'enfumer on va se garer. Que le bon Dieu pardonne si je suis égaré, garé. J'suis dégoûté, j'vois plus d'addy. On buvait sans plus mon body, body. Je t'aime si t'es mon ami. J'te baisse si tu m'as sali, sali. Pourquoi ils parlent, pourquoi ils m'engueulent? Ne m'arrange pas si je t'engueule. C'est que je t'aime bien, moi j'aime les gens qui en veulent. Ne m'énerve pas, je tremble, tremble. La vie c'est toi, c'est pas simple. J'vois le bonheur juste un peu. Ils sont tous pleins de feintes. Fais fumer, sur le 22. Tu veux fumer, va toucher. Tu m'as gonflé, je vais me coucher. Pourquoi elle dit que j'y plais pas? Elle fait que me toucher. Bref, changeons de sujet. Combien de frères ont purgé? On parle pas quand on connaît pas. Y'a que des tollas dans ma cité, le dollar. Les gens incités, ouais, c'est trop là. Y'a que des niqués, ouais, c'est trop là. Y'a que des tollas dans ma cité, le dollar. Les gens incités, ouais, c'est trop là. Que tu sois pauvre ou frité, c'est trahi sans hésiter. C'est comme ça dans mon secteur. Oh maman, je t'aime plus que tout et il faut que tu le saches. J'suis tout le temps sur les nerfs et il faut que je me calme. J'ai peur qu'il arrive un drame. Et oh papa, même si on se parle pas, je pense à toi. Je sais pas, j'ai pas demandé tout ça moi. Pourquoi ça arrive qu'à moi? Faut que je me taille d'ici. Les gens me scannent ici. Je garde tout en moi. J'ai envie de te fouetter même si je t'apprécie. Oh maman, je t'aime plus que tout et il faut que tu le saches. J'suis tout le temps sur les nerfs et il faut que je me calme. J'ai peur qu'il arrive un drame. Oh papa, même si on se parle pas, je pense à toi. Je sais pas, j'ai pas demandé tout ça moi. Pourquoi ça arrive qu'à moi? Faut que je me taille d'ici. Les gens me scannent ici. Je garde tout en moi. J'ai envie de te fouetter même si je t'apprécie. Tu dis que tu es plus le même mais casse-toi de là. Marseille c'est ma ville, oui je viens de là. Tu peux risquer ta vie pour 100$. Oui, je viens de là. Tu dis que tu es plus le même, vas-y casse-toi de là. Marseille c'est ma ville, oui je viens de là. Tu peux risquer ta vie pour 100$. Oui, je viens de là. Y'a que des dollars dans ma cité, le dollar. Les gens incités, ouais c'est trop là. Y'a que des niqués, ouais c'est trop là. Y'a que des dollars dans ma cité, le dollar. Les gens incités, ouais c'est trop là. Que tu sois pauvre ou friqué, ça trahit sans hésiter. C'est comme ça dans mon secteur. Y'a que des dollars dans ma cité, le dollar. Les gens incités, ouais c'est trop là. Y'a que des niqués, ouais c'est trop là. Y'a que des dollars dans ma cité, le dollar. Les gens incités, ouais c'est trop là. Que tu sois pauvre ou friqué, ça trahit sans hésiter. C'est comme ça dans mon secteur.